et bienvenue dans Paraculte, le podcast de pop culture où on vous parle de trucs qui nous ont plu. Et aujourd'hui, ces trucs, ça va être des films, parce que je suis accompagné de Mathieu, avec lequel on va parler cinéma. Donc comment vas-tu, Mathieu ? Salut Guillaume, ça va très bien, merci pour l'invitation. Et toi, comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien, Mathieu, donc de l'équipe de Tech Café, hein, et c'est ta première fois sur Paraculte. Ouais, avec un grand plaisir. Bah oui, j'espère bien. On est là effectivement pour être tranquillou, pour parler de trucs qui nous ont plu, de films, donc bon, voilà, vous savez, Paraculte, c'est manga, jeux vidéo, c'est comics, c'est cinéma, c'est animé, c'est tout ce que vous voulez. Et bien aujourd'hui, ça va être au sujet cinéma, donc ça va être deux films, donc un chacun. Et ces films ont une petite particularité en plus, c'est qu'ils n'ont pas plu à tout le monde, en vrai. Donc ils ont divisé, voilà. Bon, ils ont divisé la presse, les spectateurs, un petit peu tout le monde, mais nous, on a bien aimé. Et en ce qui te concerne, Mathieu, c'est vrai que tu veux nous parler de film de Michael Bay qui s'appelle Songbird, et qui est, j'ai l'impression, un film historique, ouais, quand même, puisque c'est quand même le premier de sa catégorie. Ouais, alors... Probablement pas le dernier, mais apparemment le premier. Donc tu vas nous parler de Songbird, vas-y. Donc voilà, comme tu l'as dit, Songbird, c'est historique. Et pourquoi ? Parce que c'est un film qui traite de l'épidémie, en fait, qu'on est en train de vivre. Donc tu disais que Michael Bay était réalisateur, il est pas seul, c'est surtout Adam Mason, et avec il y a toute une pelletée de réalisateurs dont Michael Bay. C'est pour ça, faut pas l'incriminer pour ce film. Il y a plusieurs de... Et attends, ils se sont mis à plusieurs pour faire ce film, c'est étonnant, ouais, quand même. Ouais, c'est très étonnant, oui. D'accord, bah écoute, oui. Alors c'est vrai que c'est un film qui a été réalisé donc pendant la pandémie, mais mieux que ça, pendant le confinement en fait, et ils se sont servis du confinement même. Ouais, bah le film il a été tourné, il a été annoncé en mai, et tourné en un peu moins d'un mois, vu que début août, il était déjà plié pour un début de tournage début juillet. Ouais, mais d'ailleurs il utilise les rues vides de Los Angeles. Ouais, exactement. Puis qui est donc pendant la pandémie, pendant le confinement là-bas, ils ont utilisé ce truc-là. Donc c'est vrai que ça fait, tu vois, c'est marrant parce que nous ici on disait ça fait décor de film, ça fait post-apo, etc. Ben ouais, effectivement, ça fait tellement décor de film que ça en est un. Hein, c'est ouais, exactement le décor de profité. Songbird. Et donc qu'est-ce que ça raconte, quoi, Songbird, alors ? Alors en gros, bon, je vais pas vous spoiler. De toute façon, il y a pas grand-chose à spoil dans ce film. Ça fait 4 ans que le monde vit en confinement. Donc les gens, ils sont plus infectés du Covid-19, mais du Covid-23. Donc c'est une évolution, une bonne évolution. Les malades, ils sont envoyés de force en quarantaine dans des camps qui ressemblent plus à des espèces de ghettos où on les laisse mourir. Et ça va être principalement une histoire d'amour, du coup à Los Angeles, entre Nico, qui est coursier immunisé au virus et qui arpente la ville pour ses livraisons, et Sarah, une jeune fille qui vit chez sa mère, qui est confinée et qui a connu Nico grâce à des livraisons. C'est une banale histoire d'amour jusqu'au moment où Sarah va être suspectée d'être malade. Elle va du coup être envoyée en camp de... en camp de la mort. Non, mauvaise expression, merde. Elle va être envoyée dans ces camps où ils sont tous en quarantaine. Et Nico, il va essayer de la sauver, et puis voilà. Tu veux dire, c'est tout, c'est le film, c'est tout, quoi. C'est à peu près et tout, donc, ouais. quand tu dis, tu vas pas spoiler, ça veut dire, ça veut dire que tu dis pas s'il y arrive ou pas. Ouais, voilà, exactement. Ok. Non, mais Songbird, donc, c'est un film, effectivement, on a encore bien compris, sur le Covid, mais bon, pas le 19, encore que là, actuellement, tu vois, en 2020, on a quelque chose qui ressemble pas mal à un Covid-20, tout simplement, ouais, hein, puisque avec tous les variants et tout qu'on a, c'est vrai que... On se demande un petit peu, quand même, la question que je me pose, effectivement, c'est immédiatement, quand tu me parles de Songbird, c'est est-ce que c'est agréable de regarder un film qui te parle d'une situation qui est pire que celle que tu vis déjà, qui est déjà pas géniale ? Alors, ah bah, pour ma part, honnêtement, je trouve que c'est un film qui est assez mauvais. C'est un film bas budget. Honnêtement, le film n'est pas terrible. Mais malgré tout, il y a quelque chose que j'ai aimé. C'est vraiment, en fait, l'ambiance. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé ce film, on était sous couvre-feu. Et en plus, je venais d'avoir le Covid. Du coup, j'étais vraiment dans l'ambiance du film. Et je trouvais d'accord, ça très intéressant. Je me suis dit, ce film, ce qui fait la beauté et le petit truc appréciable de ce film, c'est vraiment en fait de le voir dans une situation où on ne sait pas comment ce sera dans 2 semaines, 3 semaines. Et du coup, il y a un peu ce côté rêve, bizarre, plutôt cauchemar en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il a laissé personne indifférent et il a été très mal reçu, ce film. Oui, j'ai l'impression, effectivement. Alors oui, j'ai regardé la bande-annonce. J'ai pas vu le film, moi, en ce qui me concerne. Hein. J'ai regardé la bande-annonce et quelques critiques. Et c'est vrai qu'elles sont pas géniales, les critiques, hein, de Ah non, de oui, elles sont même... C'est le moins qu'on puisse dire. bon, même, enfin, même les spectateurs, en fait, sont pas non plus emballés, en tout cas pas tous, mais il y en a quand même qui ont aimé. Et c'est vrai que la question se pose de savoir pourquoi. Enfin, alors, ceux qui n'ont pas aimé, souvent, ils disent que, bon, là, comme tu dis, c'est un film à bas budget, c'est un film qui n'est pas incroyablement bien tourné ni bien écrit. Hein, voilà. Avec, alors, on rappelle, il y a qui dedans, d'ailleurs? Est-ce que, pour nous donner envie, quand même, le casting, c'est qui? Alors, le casting, je suis désolé, je l'ai pas du tout sous les yeux. Il y a quand même Demi Moore. Ouais, ouais, ça c'est vrai, oui. Oui, mais en. Bon, et... Je sais pas, ça, pour moi c'est pas suffisant, tu vois, pour faire un bon film. Enfin, surtout dans ce film. C'est-à-dire que ça suffit pas d'avoir un bon casting, d'avoir Michael Bay dans les réalisateurs pour. Enfin, on a bien vu que ça suffisait pas. Ah bah, Michael Bay, ça suffit pas forcément, non, ça on sait. Effectivement, c'est bien que Michael Bay, tout seul comme ça, c'est pas non plus quelque chose qui va te faire vendre le truc. Ben, Songbird, si tu veux, c'est un film qui pose inévitablement la question. C'est évident que ce qu'on est en train de vivre, ben, c'est historique, hein, ça va se retrouver dans des films dans l'avenir. La question que se pose immédiatement, c'est est-ce que c'est pas trop tôt? Parce que... Justement, ouais, je me dis à la fois que c'est trop tôt, mais en même temps, peut-être qu'avec plus de recul, ça deviendra. C'est pas impossible que ça devienne un film. Pas un bon film, parce qu'à mon avis, il deviendra pas par magie un bon film, mais un film peut-être un peu culte, car c'est le premier de sa catégorie à relater un peu les événements, enfin, à surfer sur la vague du Covid pour faire un film. D'ailleurs, on parlait des avis, moi j'avais relevé un avis qui était assez bien à mon goût. Le gars disait, pour ceux qui ne sont pas enclins aux extrêmes dystopiques, Songbird est un rappel grossier de la mort, de la maladie, du chômage et du chagrin que la Covid a causé dans la vie réelle. Il est fade et pire, c'est un mauvais film. Alors, dit comme ça, ça donne pas trop envie de le voir, mais je reste sur ma position et je pense que c'est vraiment un film intéressant, en fait. L'ambiance qui s'en dégage et tout, dans le contexte actuel, moi, je pense que c'est une expérience à faire que de voir ce film. Ouais, en fait, on devrait nous dire que le film est ultra réaliste dans sa médiocrité, quoi. Exactement. C'est-à-dire que la situation qu'on est en train de vivre, en fait, elle pue. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est pas un truc... Tu vois, c'est pas San Andreas, quoi. Ouais, ouais, ah oui. Non, non, vrai, c'est pas la fin du monde avec les continents qui se barrent, c'est pas non plus une guerre, c'est pas non plus des extraterrestres qui débarquent ou un astéroïde qui vous tombe sur la gueule. C'est juste une putain de maladie qui est d'ailleurs même pas la plus grave que... de celles qu'on a connues dans l'histoire, hein, loin de là quand même, et tant mieux, mais c'est un truc qui est suffisant pour péter notre vie, péter le fun, voilà, péter le bonheur de juste de sortir, de se balader, de voir des potes, tu vois, d'avoir juste la vie normale et confort, hein, qu'on avait, et évidemment, au-delà de ça, ça a des conséquences économiques terribles, et ça a des conséquences sur l'emploi, sur la situation de plein de gens. Et c'est vrai que c'est un truc qui pue, donc c'est pas spectaculaire. Ouais, exactement. C'est pas... voilà, c'est ça. C'est pas du Michael Bay, c'est pas spectaculaire. En même temps, ça fait chier depuis un an, et c'est vrai que c'est un truc qui va encore continuer pendant, malheureusement, des mois. Ouais. Hein. En tout cas, là, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on en voit trop le bout pour le moment, on va dire, en France, en tout cas. Et j'ai pas l'impression ailleurs. Donc ouais, c'est un film dont tu penses que c'est un film qui a quand même capturé... cette forme d'exceptionnalité médiocre qu'on Exactement. Vit depuis, c'est magnifique. Depuis environ un an, quoi. C'est magnifique, parce que comme tu dis, il est médiocre, mais tu le dis d'une telle manière qu'il a l'air bien. Mais non, mais oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment, en fait, il est réaliste, et comme tu le dis, c'est pas une guerre, du coup, il n'y a pas de... On peut pas faire des scènes spectaculaires, en fait, c'est une pandémie, il n'y a rien à faire, on peut pas... Il n'y a que le scénario qui pouvait rattraper un peu le film, le scénario est correct, mais c'est pas non plus le scénario de l'année, quoi. Mais le rythme, justement, ça peut être quoi? Parce que c'est quoi comme type de rythme dans un truc sous cloche, comme ça, dans un film sous cloche? C'est-à-dire le type de rythme? Le type de rythme, enfin, je veux dire, il y a de l'action, c'est, au contraire, c'est très lent, c'est comment? Non, il y a de l'action, mais en même temps, c'est... Honnêtement, je ne saurais même pas le décrire. C'est-à-dire qu'il y a des scènes avec de l'action, mais en même temps, ça sort un peu de nulle part. C'est-à-dire que... C'est vrai que si je te dis qu'il y a des scènes de combat avec des armes à feu et tout, tu vois difficilement comment le Covid pourrait amener à ça. Et c'est-à-dire que c'est un peu tiré par les cheveux sur certains points, c'est-à-dire, enfin, en fait, ils ont essayé de faire du spectaculaire dans la médiocre réalité, tu vois. Du spectaculaire cheap et gris. Ouais, voilà, exactement. Au passage, les effets 3D sont un peu dégueulasses, moi j'aime bien quand c'est bien fait, et là c'était un peu mal fait. Ah, il y a des effets 3D, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même de l'action, des cascades et ouais. Tout. Ouais, il y a des hélicos, voilà, petit spoil. Oui, ça va, je pense que ça... C'est... On est dans le film Michael Bay, il y a des hélicos. Voilà. Ouais, d'accord, c'est même quasiment, c'est quasi obligatoire, quoi, je veux dire. Ouais, ouais, bah donc, bon, bah écoute, donc c'est un truc à tenter de ton point de vue. Pour moi, il faut vraiment, quitte à le voir, autant le voir maintenant, pendant qu'on est dans cette situation, et essayer de choper l'atmosphère dont je parlais, qui est en fait, tu sors du film, Et tu te rends compte que le film, en fait, c'est juste la réalité en pire, mais tu vois, c'est pas comme quand tu vas regarder San Andreas, que tu vas regarder par la fenêtre et que tout va bien. Là, en fait, tu vas regarder Songbird, tu vas regarder par la fenêtre, il y aura personne dans les rues parce qu'il y a la même maladie que dans le film, dans la vraie vie. Et c'est curieux, tu vois, et je pense que l'expérience vaut le coup. Donc c'est la mise en abîme comme ça Ouais, qui t'a exactement. séduite dans Songbird, même si bon, au demeurant, on peut pas vraiment considérer, même si on l'a aimé, je veux dire, on peut pas considérer que ce soit un bon film. Ouais. Et voilà, c'est un film qui apparemment a plein de problèmes. Alors il y a quand même Alexandra Daddario dedans, donc moi j'aime bien Alexandra Daddario personnellement, mais donc je sais pas si on la voit souvent. C'est la brune aux yeux clairs là, aux yeux bleus. Non, on la voit pas des masses Ouais, on souvent. la voit Non, pas des masses, apparemment. non. Non, manifestement pas. Mais bon, écoute, très bien. Bah écoute, peut-être qu'il faudra essayer Songbird, ça se regarde où? Ça se regarde sur Amazon Prime. Et uniquement Amazon Prime? Pour ma part, je l'ai vu sur Amazon Prime parce que j'avais vu que c'était un film Amazon Prime, mais je l'ai vu nulle part d'autre. Après, j'ai pas cherché, je t'avoue. D'accord. Donc c'est le film Amazon Prime, ouais, ok. Bon, bah écoute, à tenter, je suppose, hein, ce que tu veux que je te dise. C'est vrai que, voilà, la situation est exceptionnelle, peut-être que finalement ce film lui correspond bien. Alors moi, c'est vrai que je vais vous parler de films qui a eu aussi eu des critiques mitigées, en particulier en France, un peu moins outre-Atlantique, hein, j'ai l'impression. Donc je vais pas être aussi téméraire que toi, je suppose, quand même, ou Guillaume, qui a défendu Prometheus. Oui, je le charrie souvent avec ça, mais bon, il a le droit, bien évidemment. En tout cas, le film dont je vais vous parler, à moi, a quand même eu un Oscar et un BAFTA, et une pléthore de nominations, donc pas non plus tout à fait parler de gros nanars, quoi, puisque c'est Jojo Rabbit de Taika Waititi. Donc c'est un film américano-allemand qui est tiré d'un livre qui s'appelle Le ciel en cage de Christine Lenz. Et il est pas nouveau, hein, puisqu'il est sorti en début d'année dernière. Donc voilà, ça fait que vous pouvez aussi le voir facilement en VOD du coup, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment les cinémas, voilà, c'est pas Un peu facile. compliqué d'accès. Ah c'est bah oui, forcément. Bon, peut-être que ça s'arrangera bientôt. On croise les doigts. En tout cas, bon, Taika Waititi, comme le laisse un peu supposer son nom, c'est un réalisateur et acteur qui est néo-zélandais et il est plutôt bankable hein, quand même, hein, puisqu'il a joué dans Green Lantern, dans Thor Ragnarok, qu'il a aussi réalisé. Et d'ailleurs, il va faire un autre épisode de Thor, qui s'appelle Love and Thunder, il paraît. Et vraisemblablement, elle va tourner un Star Wars ensuite. Mais j'ai aucun détail pour le moment, donc voilà, c'est pas la peine de me poser des questions là-dessus. Un Star Wars, je ne sais pas. Donc quand même, voilà, gros réalisateur, hein, bien posé, bien assis. Et pourtant, Jojo Rabbit, c'est pas du tout un film de super-héros. Hein. Mais vraiment pas. Et c'est pas non plus un blockbuster d'action, même s'il jouit d'une distribution qui est quand même très prestigieuse, hein, puisqu'on retrouve Scarlett Johansson, Rebel Wilson, Sam Rockwell et Alfie Allen. Alfie Allen, oui, souvenez-vous, c'était Theon Greyjoy. Oui, ce personnage pour lequel on a encore mal pour lui, si Ah, on j'avais pas sait du qu'on tout le nom fait de l'acteur. la série. Ouais, c'est sûr. Bah oui, c'est vrai qu'il a. Alors je sais pas s'il a tourné dans plein de trucs. Moi, c'est la première fois que je le revoyais en fait. Je crois Alfie Allen, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est pas comme la Khaleesi qu'on voit un petit peu partout. Enfin, qu'on voyait un petit peu partout. Et donc Taika Waititi lui-même aussi d'ailleurs joue dedans. Et aucune de ces stars n'est le héros du film d'ailleurs, puisque c'est Roman Griffin. Robin Griffin Davis, pardon, qui est donc le héros, et il y a aussi Thomasine McKenzie, qui finalement est aussi l'héroïne du film, donc vraiment se partagent les premiers rôles. Et donc Roman incarne Jojo. Voilà, alors c'est évidemment, il s'appelle Johannes de son prénom, et il a 10 ans, il est très mignon, c'est un très mignon petit nazi. Voilà, il est dans les jeunesses hitlériennes, il est très très impliqué dans les jeunesses hitlériennes. La preuve qu'il est vraiment impliqué, et vraiment très investi, c'est que son ami imaginaire, c'est Adolf Hitler. Donc le film se passe en Allemagne à la fin de la guerre, c'est vraiment à la toute fin. Donc il y a beaucoup savent d'ailleurs hein, beaucoup d'Allemands savent que la fin est proche pour le Reich, y compris parmi les généraux. Hein, mais bon, l'idéologie et la propagande sont quand même toujours très fortes et comme tout le monde est déjà parti au front, eh ben on doit envoyer des recrues de plus en plus jeunes et même de l'âge de Johannes. Donc au début du film, ben, il va partir dans un camp scout pour petits nazis. Et donc, pour futur chair à canon, hein, de la Wehrmacht, hein, puisque voilà, mais il est très très content, lui, bien entendu, puisqu'il réalise pas trop, hein, il a quand même 10 ans. Et donc, bah, il va recevoir un entraînement pour devenir un guerrier, voilà, un soldat du Führer, et il y recevra son poignard qui matérialisera voilà, cette appartenance à la race des forts, tu vois, la race des seigneurs. Et ben, bah, c'est plutôt cool quand t'as 10 ans, en même temps, tu vois, Ouais, te dire, voilà, on peut pas lui en tu fais vouloir. partie des. Exactement, exactement. Le gamin, voilà, c'est un gamin, on lui dit, voilà, t'es le plus fort, tu fais de la partie des gagnants, etc. Voilà. Donc, c'est plutôt cool, mais dans la vraie vie, il sait pas encore lacer ses chaussures, hein, Johannes. Bon, ça, c'est un détail. Donc, il est content, le camp est animé par le capitaine Klenzendorf, borgne, désabusé et inséparable de son second, qui s'appelle Finkel, et donc c'est le fameux Theon Greyjoy. Et il y a Rebel Wilson aussi qui est fidèle à elle-même, donc si vous connaissez Rebel Wilson, qui s'occupe avec ferveur de l'éducation des filles, dont la tâche principale est de pondre le maximum de petits Aryens envoyés au front, hein, parce que c'est un petit peu ça. Alors, cela dit, c'est pas parce qu'on est un petit nazi qu'on peut pas se faire bolosser par des nazis un peu plus grands. Évidemment. Et Johannes, bah, il est mis au défi de tuer un lapin, pour montrer qu'il en a, tu sais, parce que bah, si t'es un homme, évidemment, il faut savoir tuer de sang-froid, oui. C'est bien connu. Bon, donc, comme il n'y arrive pas, ben on le surnomme désormais Jojo Lapin. Voilà, voilà d'où vient le titre. Okay. Donc Jojo pour Johannes, et le lapin, qui malheureusement n'a pas survécu. Voilà, je spoil tout de suite, mais même si c'est pas Jojo qui l'a tué, il n'a pas survécu. Eh mince, tu m'as gâché le film. Effet spécial. Tu m'as gâché le film. Ouais, là. Je sais. Je vous rassure, c'est un effet spécial. Il y a bien marqué qu'aucun animal n'a été violenté pendant le tournage, enfin je crois pas. Ou alors ils l'ont mangé, je sais pas, mais... Bref, on s'en fout. Jojo, lui, ne se décourage pas. Il est même galvanisé par son Hitler personnel, donc qui est incarné par Taika Waititi lui-même, hein, et qui le pousse à un coup d'éclat. Voilà, un coup d'éclat qui mettra définitivement fin à son ambition d'imiter son père, puisque son père est parti et a disparu au front. Alors, son coup d'éclat, si tu veux, va partir en couille. Je veux pas non plus trop spoiler. Ah. Bah, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire un coup d'éclat et ça va lui revenir dans la tronche et du coup il va pas pouvoir partir en fait au front. Okay. Il va pas pouvoir devenir un vrai soldat de 10 ans. C'est bon. Alors évidemment discrètement soulagé, hein, sa mère donc qui est incarnée par Scarlett Johansson va lui obtenir quand même une place aux jeunesses hitlériennes. Et voilà, Jojo a pas mal de temps libre, hein, parce que voilà, il va passer le plus clair de son temps seul à la maison ou à faire des trucs improbables pour les jeunesses hitlériennes. Et donc dans cette maison, il va faire une découverte qui va littéralement le bouleverser. Voilà, une découverte bouleversante. Alors, vous l'aurez sans doute compris hein, quand même avec ce court résumé du début. Malgré son contexte qui est évidemment ultra lourd, Jojo Rabbit c'est aussi très burlesque. À commencer par Hitler, hein. Enfin le Adolf Hitler de Jojo, bien entendu, parce que c'est pas le vrai Hitler, il est pas censé être le vrai Hitler. Donc il est évidemment ultra caricatural, hein, c'est ultra abusé, mais le capitaine Klenzendorf est aussi ultra abusé, et la Fräulein Ram, qui est dans Rebel Wilson, où ils sont, voilà, qui croient absolument au premier degré toute la propagande, et en premier la propagande antisémite, qui est vraiment, évidemment, complètement caricatural. Alors, oui, propagande antisémite, oui, c'est de ça qu'il s'agit, hein, voilà, c'est Jojo a 10 ans, il hait les juifs, il les craint, évidemment, autant, évidemment, mais c'est, il hait les juifs, sans jamais en avoir vu aucun, évidemment, parce que bon, ouais. C'est vrai que c'est toujours, voilà, donc il a évidemment une image comme ça des juifs, sans en avoir jamais rencontré, et il va rencontrer, donc, justement, une certaine Elsa, et ça va être un choc, et donc, il va vouloir comprendre le juif, pour mieux le combattre. Il va même écrire un carnet sur le sujet qui deviendra finalement une sorte de journal de sa propre transformation. Et donc le film s'essaye à l'équilibre dit délicat de la tragicomédie hein, sur un sujet difficile et en même temps qui a évidemment été traité maintes fois déjà, hein, c'est évidemment pas le premier film là-dessus, mais là on suit Jojo et on est à sa hauteur quoi. Bon, t'es à la hauteur, c'est-à-dire 1m20 probablement. Et donc Adolf, c'est ça. Adolf, donc c'est le Adolf avec un grand A de Jojo, c'est sa vision d'Hitler. Et tout le film finalement, il est vu par ce prisme, parce que voilà, ça fait presque de Jojo Rabbit un conte initiatique en fait, une fable presque sur la découverte de l'autre, hein, sur le racisme abstrait et donc absurde, sur la propagande. Voilà, c'est des thèmes qui sont évidemment et malheureusement intemporels. Et alors, je pense qu'on a tout reproché à ce film. Voilà, on lui a reproché d'être trop burlesque, on lui a reproché trop burlesque pour son propos. Ouais, c'est vrai que le côté burlesque qui ressort pas mal là. Je regarde des images du film. Il a l'air vachement con quand même, en fait. Oui, ouais. Non, je te dis, le film est ouvertement burlesque, ouvertement abusé. Oui. Il y a vraiment des trucs complètement caricaturaux. Et c'est sûr qu'avec le propos, ben, ça passe pas chez certains. De l'autre côté, d'ailleurs, on le trouve des fois pas assez drôle. Donc, on le trouve des fois trop mièvre et des fois pas assez audacieux. On le trouve parfois simpliste, parfois trop complexe. Et de ton côté, toi, tu l'as trouvé comment ? Ben alors le truc c'est que voilà, on le trouve simpliste ou trop complexe selon qu'on imagine qu'il s'adresse plus aux enfants ou aux plus grands. Voilà. On le trouve trop trivial ou au contraire douteux dans l'alignement des propos antisémites d'Adolphe, hein, ou de Jojo. Trop convenu, tu vois, ou carrément horripilant, parce que c'est vrai que Taika, il en fait des caisses, hein, Taika, dans les rôles d'Adolphe, il en fait vraiment des caisses. Et en fait, on a évoqué d'ailleurs le dictateur, hein, de Charlie Chaplin, rapport au burlesque, parce qu'effectivement, c'est aussi un film comique, burlesque, qui incarne, voilà, Adolf Hitler. Alors, perso, je vais le dire tout de suite, hein, j'ai vu le dictateur il y a très longtemps. Je m'en souviens pas assez bien, et surtout les contextes sont tellement différents que je sais pas si une comparaison est vraiment pertinente. Mais moi, ça m'évoque plutôt un autre film, en fait. Et alors, je sais pas si tu l'as vu, c'est le film qui s'appelle La vie est belle, de Roberto Benigni. Pas du tout. Ah, il faut dire que c'est déjà un vieux film, il date de 97, t'étais pas né. Ouais, exactement. Je sais pas si j'exagère ou pas, en fait, mais bon. Écoute, si tu l'as pas vu, l'histoire, elle est horrible, hein. Ça se passe en Italie, c'est Guido, qui a un fils avec Dora, et Guido est juif, hein, et ils sont tous déportés pendant la guerre, dans un camp. Et pendant presque tout le film, Roberto va protéger son... Non, Guido va protéger son fils. C'est Guido, oui, je crois que c'est Guido. Et Guido va protéger son fils de l'horreur de la situation, hein, c'est dans un camp quand même, en lui faisant croire qu'il participe à un jeu. Un jeu très très difficile pour gagner un char d'assaut. Donc la vie est belle, elle a des moments qui sont très drôles, mais c'est évidemment extrêmement tragique. Ouais. Et c'est pas vraiment réaliste. En fait, Benigni lui-même a considéré son film comme une fable. Donc la vie est belle peut être critiquée aussi de toutes les manières possibles. Et comme Jojo, en fait, comme Jojo Rabbit. Et il a aussi divisé la presse à l'époque, d'ailleurs, comme Jojo. Télérama avait adoré, par exemple, et les Cahiers du cinéma ont détesté. C'est assez rigolo, quand on sait que les deux sont en général très critiques et plutôt exigeants, quand même, hein, sur... c'est pas Télé 7 jours. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose avec Jojo, quoi. Donc il divise... Il vit surtout la presse, en vrai, parce que c'est quand même un succès net auprès des spectateurs, hein. D'ailleurs, il a été pris du public à Toronto. Donc, c'est vrai, Jojo n'est pas d'une profondeur délirante, c'est vrai, mais alors, je veux dire, c'est pas grave, hein. Il veut être drôle en exposant simplement, finalement, l'absurdité de l'idéologie nazie, de l'antisémitisme, du racisme. Dans son ensemble, voilà, il montre aussi qu'il y a eu une Allemagne de la résistance, avec des résistants allemands contre le régime. Il montre le danger qu'il peut y avoir à penser différemment, et il montre finalement la rencontre aussi de deux enfants, ces deux jeunes gens, perdus au milieu de tout ça, quoi. Et ces deux enfants qui sont joués avec beaucoup de justesse, d'ailleurs. Donc, je suis d'accord, hein, c'est pas des messages jamais vus, ouais, qui sortent de nulle part, tu vois. C'est vrai. Mais finalement, et alors ? Moi, je m'estime pas intellectuellement au-dessus d'un film, parce qu'il me montre des choses dont... Par ailleurs, je pense être déjà convaincu, tu vois, je suis pas non plus le public unique, d'ailleurs, de ce film, hein, parce que c'est un film qui pourrait être salutaire à un jeune public aussi, un plus jeune public. Je sais pas si le contexte actuel est plus ou moins inquiétant qu'il a toujours été, à vrai dire, mais il me semble clair qu'il n'est pas vain de montrer certaines choses, et surtout, c'est un film qui peut être montré à des enfants, hein, à des adolescents, alors, ouais, en fait, il y a vraiment des bonnes leçons à en tirer, c'est ça. Je pense que si t'as 10 ans, il y a de très bonnes leçons à en tirer, si t'as 15 ans peut-être aussi, et je pense que c'est suffisamment agréable à regarder, et de mon point de vue, suffisamment profond et sympa et bien fait, si tu veux, pour que tout le monde puisse le voir. Est-ce que 10 ans, ça suffit vraiment pour avoir le recul, c'est-à-dire pour comprendre que c'est burlesque et que c'est pas sérieux, que c'est pas au premier degré ? Est-ce que le film est très explicite ? C'est une bonne question. Alors ça, c'est une bonne question, et ça, c'est vrai que j'aurais du mal à y répondre parce que j'ai pas d'enfant. Ah. Et disons, je sais pas si à 10 ans, tu pourrais vraiment... Guillaume pourrait nous le dire, je suppose que ce soit son plus âgé, je pense, à peu près cet âge-là. Il pourrait nous dire, effectivement, si... on va l'appeler. On l'appelle au téléphone. Non, on peut pas, parce qu'il est occupé. Mais oui, c'est vrai qu'il serait sans doute plus à même à nous le dire. Moi, j'ai l'impression, effectivement, qu'à partir de 12 ans et plus, c'est un film qui peut très bien être regardé. Mais... Franchement, moi j'ai bien aimé, et j'ai plus de 12 ans, j'avoue. Donc, très honnêtement, je pense que c'est un film qui peut plaire à beaucoup. Voilà, c'est un film qui est bien rythmé, qui est bien interprété, tu vois. Alors, pourquoi le bouder ? Pourquoi faire du boudin dans son coin ? Non, c'est vrai qu'il a l'air vraiment pas mal du tout comme film, à la manière dont tu me l'as vendu. J'adhère, j'ai envie de le regarder. Il a l'air un peu mieux que Songbird. Alors, je pourrais, étant donné que j'ai pas vu Songbird, je m'abstiendrai de le dire. Après, il a eu plus d'étoiles sur Allociné, moi. Même que il ça a été vaut, mieux reçu par les spectateurs, tu disais. Oui, il a été très bien reçu par les spectateurs, globalement, en fait, et sur Allociné comme ailleurs, d'ailleurs. Et donc, oui, c'est quand même un succès public, et c'est un demi-succès critique, on va dire, même si c'est pas non plus une catastrophe, quoi. Ouais, parce que Songbird, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté... J'ai l'impression, en fait, quand je regarde les avis sur Internet, d'être un des seuls à voir du positif dans ce film. C'est-à-dire que j'ai C'est pas vu de complètement critique qui fou. disait « Regardez-le quand même ». Oui, pour être tout à fait honnête, j'ai pas épluché les critiques. J'ai juste regardé les premières. Elles sont pas très très positives. On reproche un petit peu toujours la même chose. J'ai l'impression à Ouais, Songbird, non? c'est toujours. Enfin, c'est exactement, en gros, l'opportunisme macabre, le fait d'avoir surfé sur le Covid, mais aussi peut-être un peu de rappeler tout ce que ça engendrait. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, pour ce qui est de Jojo Rabbit, il peut diviser, mais en même temps, c'est des faits assez éloignés, tu vois, temporellement par rapport Oui, à Songbird, où en Jojo. fait, on est vraiment dedans. Je pense que Jojo Rabbit, en fait, s'il était sorti en 42, il aurait peut-être pas eu le. Il aurait peut-être pas été aussi bien reçu. Oui, en Allemagne, il n'aurait pas été très bien Ouais, reçu, ça, c'est clair. En oui, ça c'est 42, évident. non, mais c'est sûr qu'après, il y a une histoire, voilà, il y a des moments pour regarder les films. Jojo Rabbit se place comme une fable intemporelle, hein, ça c'est sûr. Songbird, c'est ouais, c'est opportuniste, c'est clair et net. Après, oui, on le regardera peut-être aussi comme une sorte de capsule temporelle en fait de l'époque. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça pourra avoir au moins cette valeur-là. Donc c'est quand même ça. Bon. Donc voilà. Donc en gros, comme La vie est belle d'ailleurs, hein, puisque finalement j'ai parlé aussi de ce film, j'ai aimé Jojo Rabbit. Donc c'est disponible désormais en VOD chez Orange et Canal. Donc et aussi bien entendu si vous voulez sur ces bons vieux disques en plastique qui font des arcs-en-ciel. Voilà, souvenez-vous ces trucs-là, ça existe toujours. Mais Songbird, je sais même pas s'il est sorti d'ailleurs matérialisé, Je je sais crois même pas. pas, ouais, non, je crois pas. On verra. Écoute, je me demande s'il sortira. Il sortira en salle, tu crois? Non, il sortira pas en salle. Même si jamais les Honnêtement, cinémas j'espère pas. réouvrent. Tu nous le vends de mieux en mieux. Non, mais c'est un film, l'expérience vaut le coup, mais en fait, le sortir en salle, pour moi, en fait, ce serait un peu incohérent. Tu vois, parce que j'ai dit qu'il faut le regarder, en fait, dans l'ambiance actuelle. Et si du coup, on peut aller au cinéma, on n'est plus dans l'ambiance actuelle. Ouais. T'as limite dit qu'il fallait le regarder en ayant le Covid, quoi. Ouais, Donc, c'est limite ça. écoute, Songbird, le meilleur film à regarder si vous êtes malade du Covid. Bon, écoute, ça peut concerner pas mal de monde, en fait, hein, et malheureusement, ça va concerner encore pas mal de monde, hein, je suppose, pendant les mois à venir, en attendant que les vaccins fassent leur office ou qu'on ait un Covid-21. Bon, dans tous les cas, Le on va 23. espérer que non. Le 23. C'est le 23, c'est C'est le ça? 23 dans le Ouais, film. c'est le 23. Ah, ok, d'accord. Et c'est directement. Le pire de tout, c'est qu'il est déjà un petit peu has-been, puisque je suppose que c'est une mutation du Covid-19. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ces mutations du premier coronavirus, en fait, mais il prend même pas en compte les variants qui sont apparus cette année. Non, je crois pas, mais ça m'a assez exaspéré. C'est-à-dire que quand je regarde un film, peu importe le sujet, j'aime bien que quand il y a des faits comme des maladies ou, je sais pas, des fusées, tu vois, qu'il y ait de la science derrière. Et en fait, là, à part au tout début du film, quelques coupures de journaux TV où on t'explique en fait que le virus a muté, en fait, on n'en sait pas plus. Et ça, je trouve ça dommage. Bah oui, c'est vrai qu'en plus, là, ils avaient. Bon, honnêtement, ils auraient fait Songbird en 2021, ils avaient tout ce qu'il fallait, quoi, parce Ouais. que voilà, il suffisait de dire multiplication des variants, gros truc, croisement avec Ebola, et c'est bon, on est parti. Bon, tranquille. Enfin, bon, écoute, si moi, voilà, moi je vous recommande Jojo Rabbit, tu nous recommandes tout de même Songbird. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire là-dessus? Non, bah regardez Songbird, mais regardez-le pendant qu'on est confiné ou sous couvre-feu, parce qu'après ça vaudra clairement pas le coup. Ok, ou alors ça vous rappellera des Oui, souvenirs pas sinon, toujours bons, ouais. effectivement. Bon, bah écoute, alors ça va être tout pour aujourd'hui, hein. Vous pouvez donc tenter de vous faire une idée sur Songbird et où Jojo Rabbit. Donc on va conclure cet épisode, mais non sans rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathieu, sur Internet. Alors on peut me retrouver sur mathieuperret.com où vous trouverez mon LinkedIn, mon Telegram. Je sais pas pourquoi je sors le LinkedIn d'ailleurs, on s'en fiche. Mais vous pourrez du coup me recontacter sur Telegram ou sinon sur le Instagram de la page Tech Café. Bah écoute, très bien, moi c'est Guillaume Podjespala, je vous remercie de votre écoute, de votre soutien aussi, des étoiles à foison que vous ne manquerez pas de mettre sur iTunes, et je vous retrouve dans un prochain épisode de Paraculte, dans un prochain épisode de Tech Café aussi bien entendu, et d'ici là, bon visionnage. Salut à tous. Ciao.